Tout va mal. Tu as l'air déprimé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regarde. La pièce dans laquelle je travaille est sombre. Les dossiers sur lesquels je travaille sont ennuyeux. Les clients pour lesquels je travaille sont insupportables. Moi, c'est le contraire. Le projet auquel je participe est passionnant. Et les gens avec qui je travaille sont très sympathiques. En plus, mon bureau se trouve dans un immeuble en face duquel il y a un lac avec des canards. Oh là là là là, c'est pas juste.